moi tout en haut. Les grosses que je consens, sont dans mon sang, se découpent comme si j'étais en sang. S-O-T-N, j'attire ta bitch S-O-T-N. Je me retiens S-O-T-N, j'ai l'air de S-O-T-N, j'arrive à S-O-T-N. Dans les Allemands débarquent comme des SS pétasses. J'aime des micros dans les headshots depuis CSS pétasses. Les rappeurs sont noirs, on comme Patson Nico. R.P. Jackson Nico, qui a mis un petit comme Jackson Nico. J'm'allume mon drogue légal, j'arrive plus le vaisseau corps méga. Si tu viens pour tu me parles pas un langage comme moi, j'aime comme hors dégage. J'suis pas avec ces foufous lame shit. Faut que les soufous viennent, puis sur la prod appelle-moi ton fou chien, bitch. Ces négros sont fous, méritent des Oscars comme des acteurs. J'ai d'affaires de fond en hausse, la vidéo fait partie des facteurs. J'en change ma longue comme si j'avais 8 poumons et 4 cœurs. On fait le caca comme des WC, va d'essence comme des tracteurs. Ces négros sont fous, méritent des Oscars comme des acteurs. J'ai d'affaires de fond en hausse, la vidéo fait partie des facteurs. J'en change ma longue comme si j'avais 8 poumons et 4 cœurs.